Les éditions de l'Avenir présentent Les Conjurés de l'Aspar, roman fanique d'André Bory, paru à l'origine dans Basis hors-série numéro 16. Chapitre 8. Le surmutant venait d'énoncer d'une voix monocorde la litanie des griefs qui étaient reprochés aux accusés. Il termina en interrogeant ironiquement « Qu'avez-vous à dire pour votre défense, monsieur le sauveur de l'univers ?» Le mulot castor se redressa brusquement, l'œil étincelant. Mais il fut aussitôt neutralisé par la conjugaison des efforts des quatre antis et il retomba, impuissant, sur son siège. Sa tentative fut saluée par un éclat de rire général. Et Mazas dut prendre sur elle pour ne pas intervenir. Sachant néanmoins que cela n'aurait apporté qu'un surcroît de vexation pour les prisonniers, elle se tint quoi, se contentant de jeter un regard plein de mépris à Stafford Monterney. « Le célèbre Lémire n'a rien à dire. Peut-être ses compagnons seront-ils plus prolixes. Alors, honneur aux dames. Voyons ce que Mazas Pavel va nous révéler. »« Va te faire voir !» Quel langage pour une jeune femme! On reconnaît bien là vos origines mercenaires! Aucune éducation! Rick éclata de rire, attirant l'attention du véritable chef de l'Aspar. Parce que tu trouves cela drôle! Non. Mais parce qu'il est risible de voir un tas de ferrailles vouloir donner des leçons de savoir-vivre. La réaction de Monterny fut instantanée et violente. Le bras droit de l'androïde partit comme un boulet de canon et la main mécanique asséna un coup violent sur la tempe du jeune homme. Celui-ci décolla de son siège et s'écroula dans les jambes du Nahat qui lui servait de gardien. Assommé sur le coup, l'humanoïde aux trois yeux recula précipitamment de deux pas afin d'éviter la chute, puis, allongeant l'un de ses membres flasques, il crocha ses doigts dans l'épaule de Rick, le souleva d'un seul effort et le rejeta sur sa chaise, laissant sa tête retomber sans la moindre douceur sur le plateau de la table. « Réveillez-moi cet imbécile! Je tiens à ce qu'il soit conscient pour assister à l'exécution de ses amis avant d'y passer à son tour !» Le médecin Ara, qui avait effectué les injections sur le mulot castor, quitta le fauteuil dans lequel il avait engoncé sa carcasse filiforme. Il se dirigea vers le captif sans connaissance, tout en détachant une trousse pendue à sa ceinture. Il y choisit une petite seringue, prête à l'emploi parmi la douzaine qu'elle contenait, et releva la manche du mercenaire. Avec habileté, il planta l'aiguille dans la veine, à la saignée du coude, et enfonça le piston. Ceci fait, il la retira du bras et la remit soigneusement dans son étui. Puis, sans avoir proféré le moindre son, il regagna sa place dans la salle. L'effet de la médication fut instantané, et le plus jeune des Pavel reprit rapidement ses esprits. Malheureusement, cela ne supprima pas le formidable mal de crâne dû au coup porté par le surmutant. Ce dernier savourait son triomphe et la revanche qu'il allait prendre sur Perry Rodden en mettant à mort ses fidèles compagnons. Sa haine envers le Stellark sourdait de sa personne et, avec machiavélisme, il annonça « Afin de corser un peu le spectacle !» C'est l'un d'entre eux qui va se charger d'exécuter ses compagnons. Alors, qui va-t-on prendre ? Sadiquement, il regarda longuement les captifs, les uns après les autres, sans se presser. Puis, un simulacre de sourire étira ses lèvres. Toi ! Non ! Il était déjà trop tard. Dompté par la volonté du fascinateur, Ruth Black Bear se leva et se dirigea vers son tortionnaire. Si Mazas, Steve et Rick avaient espéré tenter un baroud d'honneur, histoire de ne pas mourir sans combattre, ils en furent pour leurs frais car les Nahats qui les surveillaient appliquèrent le canon de leurs armes contre leur dos. D'un pas mécanique, le Cherokee contourna la table et s'approcha du surmutant. Celui-ci tira le radiant qu'il portait à la ceinture et, le tenant par le canon, le lui tendit. Un rictus déforma le visage de l'Indien qui tentait vainement de résister, mais qui saisit l'arme et se retourna vers ses compagnons d'infortune. Carl Philbar, le commandant du Nimbus, le vaisseau qui avait tenté d'arraisonner le prototype à bord duquel Mazas avait quitté OMU-17, se tenait devant Atlan dans un garde-à-vous impeccable. L'Étrusien venait de relater à l'Arconide l'intervention en catastrophe du Mulocastor alors qu'il se préparait à donner l'ordre d'abattre les fugitifs. « Et il ne vous a rien dit de plus ?»« Non, Lord Amiral. Il était visiblement très pressé. »« Vous n'avez pas pu suivre l'appareil sur vos détecteurs ?»« Non, il a plongé dans l'entre-espace le plus rapidement possible, et j'ai obéi aux injonctions de l'émir, me demandant la plus extrême discrétion. J'ai inventé une fable pour ceux de mes officiers qui avaient entrevu le téléporteur, en les priant de garder sa visite secrète. Cependant, cet incident m'avait pas mal perturbé, et c'est pourquoi... Après quelques jours de réflexion, j'ai décidé de vous réclamer une entrevue. Vous avez bien fait, commandant. Cela me permet d'avoir confirmation que la mission de l'île se déroulait comme prévu. Malheureusement, ça ne me dit pas quelle était la destination de notre prototype, ni ce que sont devenus ses occupants. Le massif adapté haussa les épaules en signe d'impuissance. Tout s'est passé si vite que je n'ai pas eu le temps de réagir, sauf pour ordonner à l'officier de tir de rater sa cible, mais en la frôlant au plus près. Ne vous inquiétez pas, vous avez agi comme il le fallait. L'air pensif, Atlan raccompagnait son visiteur jusqu'à la porte de la cabine qu'il occupait provisoirement sur son navire amiral. Mazas sentit un frisson glacé lui monter le long du dos en voyant Ruth Blackbear se diriger vers eux de son pas mécanique. Son masque torturé prouvait à l'évidence les efforts désespérés, mais vains, qu'il déployait pour échapper au fascinateur. « À tout seigneur, tout honneur! Commence donc par griller la fourrure de cette peluche mitée !» Mécaniquement, le bras du Cherokee se leva, son arme braquée sur la poitrine de l'émir. Celui-ci, fataliste, ferma les yeux dans l'attente du coup mortel qui allait le frapper. C'est tout juste si son esprit embrumé parvint à se fixer brièvement sur la charmante Iltou qu'il ne reverrait plus. À cet instant, un véritable maelstrom se déclencha. Arx, subitement revenu à la vie, lança l'un de ses tentacules autour du cou du Naat censé le surveiller, et le projetant le seul geste sur le groupe des quatre antis. Dans le même temps, un autre de ses pseudopodes s'emparait du radiant choc de sa victime, avec lequel il entreprit de balayer l'assemblée qui lui faisait face. L'antilon, qui jouait la comédie depuis leur incarcération en ce qui concerne les effets des radiants chocs sur son organisme, et qui avait trompé aussi bien ses ennemis que ses amis, s'était juste permis de lancer un coup d'œil à Mazas lorsqu'il avait été installé sur son siège. Cela avait été suffisant pour mettre la jeune femme en alerte et la tenir prête à agir si une occasion se présentait. Elle avait toujours possédé une vitesse d'exécution exceptionnelle. Aussi, dès qu'elle perçut la réaction de son ami, elle agit instinctivement. Pivotant sur son siège, elle détourna du coude l'arme que son garde pointait sur elle. La surprise aidant, et ses réflexes étant supérieurs à ceux du Naat, elle évita le flux incapacitant que celui-ci déclenchait en appuyant sur la détente. Par contre, Rude et le surmutant furent frappés de plein fouet. La salle du conseil ressembla soudain à un pandémonium où l'assistance hurlait en se bousculant, déroutant complètement les seuls êtres armés, à savoir les natifs de la planète Naati. Ce qui permet à l'Antilan de les arroser copieusement de ce radiant choc, se vengeant ainsi du traitement qui lui avait été infligé quelques jours auparavant. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, la situation des condamnés avait évolué en leur faveur, d'autant que Steve et Rick s'étaient également lancés dans la bagarre. Mais il leur fallait fuir au plus vite, car leurs adversaires n'allaient pas tarder à retrouver leur sang-froid et les écraser sous leur nombre. D'ailleurs, le corps artificiel de l'androïde commençait à réagir aux ordres du cerveau de Stafford Monterne. Cerveau qui avait cependant été sérieusement secoué par la rafale encaissée, ce qui expliquait qu'il était provisoirement dans l'incapacité d'utiliser ses pouvoirs contre ses adversaires. Ceux-ci en profitèrent. L'octopode sauta par-dessus la table et s'empara du corps inerte du Cherokee, tout en assénant un coup formidable à l'androïde, l'expédiant à plusieurs mètres plus possible. Désignant le Mulocastor à Rick, il lui intima s'occupe de Rude. Et il reflua vers l'entrée de la salle, sans s'occuper de savoir si ses compagnons le suivaient. Mais bien évidemment, toute l'équipe se trouvait à ses côtés, Mazas et Steve continuant à arroser méthodiquement tout ce qui bougeait dans la vaste pièce. Le Capharnaüm le plus complet régnait parmi l'assistance, dont plus de la moitié était paralysée par les radiants chocs, l'autre moitié hurlant et courant de ci de là, ajoutant encore à la confusion ambiante. Ce qui permit au fugitif d'atteindre la porte dont la jeune femme programma l'ouverture. Les deux naads, équipés de radiants lourds qui se tenaient derrière, n'eurent pas le temps de les utiliser. Frappés de plein fouet par le tir de Steve, ils s'affaissèrent en lâchant leur arme. Tandis que l'antilien et le mercenaire, transportant les corps sans connaissance de leurs amis, poursuivaient leur fuite le long du couloir, la jeune femme se pencha pour récupérer un des radiants. « Prends l'autre, nous en aurons certainement besoin. » Le pilote obtempéra, en râlant contre son poids. « Bon sang! Il faut au moins être étrusien pour manipuler un engin pareil. »« Alors, c'est le moment de prouver que tu es costaud. » Elle déposa le sien sur son épaule, afin d'éviter d'être déséquilibrée par la masse pesante. Elle se redressa et, à petite foulée, suivit la route tracée par ses deux compagnons. Hyrcingr s'engagea dans son sillage, jetant un coup d'œil de temps à autre derrière lui pour s'assurer que nul ne les poursuivait. L'émir avait repris à peu près conscience, même s'il n'était pas encore capable d'utiliser ses forces parapsychiques, et il essayait de se concentrer pour visualiser l'endroit où il voulait amener les évadés en fuite. C'est pourquoi Rick, l'île sur son épaule, avait pris la tête de leur petite colonne tandis que le pilote fermait la marche. Arx trimbalait le corps inanimé de Root Black Bear sans manifester le moindre signe de fatigue. L'endurance de l'antilon était phénoménale. Ils parvinrent à une rotonde où aboutissaient 6 passages. Le mercenaire stoppa sa course et déposa le mulot castor sur le sol, le temps de souffler un peu. Un peu haletant, il lui demanda « Lequel faut-il prendre ?» Son interlocuteur ouvrit les yeux avec peine et murmura « Le troisième sur notre gauche mène à une des salles d'embarquement de l'Astroport où se trouve le boss alors. » « Parce que tu comptes toujours le pirater ?»« Il n'y a pas d'autre solution. C'est ça où nous sommes morts. Ah, » vu sous cet angle. La patience n'était pas la vertu cardinale de l'octopode et il houspilla son petit monde. « Si l'émir dit qu'il faut prendre le vaisseau, on va prendre le vaisseau. » Il s'engagea avec son fardeau dans le couloir désigné par l'ult. Il était d'ailleurs temps de repartir car, au loin, des cris et des appels signifiaient que les occupants de la salle du conseil avaient repris leurs esprits et engagé la poursuite. De plus, à tout moment, des séides de Laspar, alertés par le surmutant, étaient susceptibles de surgir de l'un ou l'autre couloir et de contrarier l'évasion des fuyards. Il était même étonnant qu'ils aient ainsi pu parcourir plusieurs centaines de mètres sans faire de fâcheuses rencontres. Mais plus le temps passait et plus les risques grandissaient. C'est alors que le premier incident survint. Une section de Nahats déboucha soudain d'une galerie latérale et se figea en apercevant les fugitifs. Mais là encore, les réflexes hors normes de l'antilan firent leur preuve et le groupe entier des arrivants fut balayé par le flux paralysant de son radiant choc avant de pouvoir réagir et s'écroula pêle-mêle sur le sol. Mazas et ses compagnons n'avaient même pas eu le temps de braquer leurs propres armes sur leurs adversaires. Mieux vaut ne pas moisir dans le secteur. D'ici quelques minutes, ça va grouiller de gens qui ne nous veulent pas particulièrement du bien, suggéra la jeune femme en enjambant un des gardes qui obstruait le passage tout en prenant la tête de la petite troupe. La fuite se poursuivit, ponctuée d'indications de direction lorsque le mulot castor parvenait à sortir de sa torpeur. Brusquement, Akarsasin stoppa sa course et tous ses compagnons l'imitèrent. Steve s'approcha assez près pour lui murmurer à l'oreille. « Qu'y a-t-il ?» Muette, elle l'amena jusqu'au coude du couloir et l'invita par geste à regarder discrètement. Il se pencha et retira aussitôt sa tête. « Comment va-t-on faire pour passer avec tous ces soldats ?»« Il va falloir provoquer une diversion. »« Ah oui ? Et comment ?»« Il y a 2 minutes, nous sommes passés près d'un couloir transversal. Je vais y retourner et essayer de rejoindre la galerie où sont postés les gardes. Je les attirerai vers moi. À vous d'en profiter pour filer quand le chemin sera libéré. »« Et toi ? » ?»« Je vous rejoindrai plus tard. De toute façon, vous ne m'attendez pas si je tarde à revenir. » Il est essentiel que le Lord Amiral soit mis au courant de tout ce que nous avons appris. Ça, c'est hors de question! Mazas s'apprêtait à répliquer lorsque l'émir, au prix d'un gros effort, l'interrompit. Je reprends progressivement des forces et je crois que je suis capable d'expédier l'un des radiants au-delà des partisans de Monterni qui empêchent notre avance et de déclencher des tirs qui devraient les attirer loin d'ici. L'arme qui se trouvait sous le bras du pilote lui échappa subitement et disparut. Et 15 instants plus tard, des cris s'élevèrent parmi la douzaine de soldats postés sur la route menant à l'astroport. Confrontés à des tirs provenant sur leurs arrières, ils quittèrent la position qui leur avait été indiquée pour se lancer à l'assaut de l'adversaire qui venait de les prendre à revers. « Vite! Il faut franchir ce passage avant qu'ils ne se doutent de quelque chose !» les pressa le mulot castor, qui venait d'utiliser toute l'énergie qui était en lui pour réussir son tour de télékinésie. Il retomba en arrière, presque sans connaissance, dans les bras d'un Rick Pavel déconcerté. Mais tous suivirent son conseil et ils purent en toute tranquillité franchir ce nouveau pas vers la liberté. Ils progressèrent ainsi de quelques centaines de mètres sans rencontrer d'autres obstacles. Devant eux, ils aperçurent la fin du tunnel et la lueur déclinante des soleils de Plogan. On est presque arrivé. Non, il faut trouver une autre solution. Il y a toute une armée qui attend notre sortie. Ce qui les stoppa net. Que faut-il faire ? Revenir sur nos pas et trouver notre passage. D'accord, mais sans les facultés de l'émir, nous n'avons pas une chance de nous en sortir. Et pour l'instant, il faut qu'il puisse récupérer afin de reprendre des forces. Alors il faudrait trouver une planque, mais dans ce cas, le surmutant n'aura pas de difficulté à nous retrouver. Pour une fois, je t'avais raison. Intervint l'octopode, sans se soucier du regard meurtrier que lui décochait le jeune homme. Vous allez vous occuper de Rood, et Ars va s'occuper de ceux qui nous attendent dehors. Mazas posa sa main sur l'un des pseudopodes de son ami extraterrestre. Il n'y a sans doute pas d'autre solution, mais promets-moi d'être prudent. Ars est toujours prudent. Affirmation qui laissa ses amis sans voix. Melbar Kazom, qui sortait d'un débat sur la sécurité, s'adressa au major Génon, qui se trouvait à ses côtés. Je ne sais pas si cela te fait le même effet qu'à moi, mais ce genre de réunion m'ouvre inévitablement l'appétit. Le filiforme Éconide lui lança un regard en coin. Est-ce une invitation à manger ? Ce que j'apprécie en toi, c'est ta vivacité d'esprit. « Effectivement, j'irais bien faire un tour à la cantine des officiers. Il paraît que le chef a concocté pour aujourd'hui du rôti de Tergold avec une sauce aux érelles de Vandelia. Il paraît que c'est un délice !»« Alors allons-y, abominable goinfre !» Les deux amis empruntèrent la bande transporteuse qui menait à ce haut lieu de l'art culinaire, tout en devisant de choses et d'autres. Alors qu'ils approchaient de leur but, un pli de contrariété apparut sur le front de l'étrusier. « J'aimerais que Mazas ou l'émir nous donnent signe de vie. Je me doute bien que cela ne va pas leur être facile, mais avec cette possibilité de téléportation, le mulot castor devrait être capable d'envoyer un signal quelconque. En attendant, je suis rongé par l'inquiétude. »« Non, mais pas au point que cela te coupe l'appétit. » Ce qui lui valut un regard torve. Tout en devisant, ils parvinrent au bâtiment qui abritait le mess des officiers. Salués par une sentinelle en armes, ils franchirent le portail d'entrée et pénétrèrent dans une vaste pièce où une dizaine de clients occupaient quelques-unes des tables qui constituaient l'essentiel de l'ameublement. Une ouverture en forme de porche arrondie séparait la cuisine proprement dite de la salle à manger. Melbar répondit aux manifestations de bienvenue de ceux qui étaient attablés et il choisit un emplacement stratégique face à l'endroit où officiait le cuistot et d'où l'on pouvait apercevoir des casseroles dans lesquelles mijotaient des mets odorants. Le maître des lieux, un petit homme grassouillé à la trogne enluminée par le feu des cuissons et non par le bon vin, soutenait-il, se précipita vers son illustre visiteur. Colonel Kazom. Je suis ravi de vous avoir parmi nous. Merci, Maître Gérard. Nous sommes venus faire honneur à ton rôti de Tergold. Vous ne serez pas déçus. Et le brave homme retourna à ses fourneaux. Quelques minutes plus tard, un steward venait servir ses deux nouveaux hôtes, attribuant une portion phénoménale, délicate attention du cuisinier, à l'étrusier. Il y en a qui sont pistonnés. remarqua son compagnon Iconide en contemplant d'un air dépité sa propre assiette. Ça, c'est l'avantage d'être bien considéré! S'exclama l'adjoint d'Atlan en enfournant une bouchée qui aurait été suffisante pour rassasier un terranien normal. Comme l'homme qui venait de les servir s'éloignait, le colosse l'interpella, la bouche pleine. Vous êtes nouveau ici? Oui, monsieur. Depuis 6 jours, je remplace Terry Géroni, qui a pris quelques jours de vacances. Kazam hocha la tête et se replongea dans son assiette. Les éditions de l'Avenir vous ont présenté le chapitre 8 de Mazas Pavel, Les Conjurés de l'Aspar, par André Bory. Les interprètes, K00 dans le rôle de Mazas Pavel, Christophe dans le rôle de Stevomir Ersing, Ezwa dans le rôle de l'Émir, Fred dans le rôle d'Atlan, Aldor dans le rôle de Rick Pavel, Christian Martin dans le rôle de Ruth Blackbear, Gabriel Jean dans le rôle de Melbar Kazom, Gabriel Jean dans le rôle de Stafford Monterney, Eric dans le rôle de Corlan, Christian Martin dans le rôle de Ralgo Tahal, Silverson dans le rôle de Lefos Tarnil, Jean Seb dans le rôle de Viner Borgaal, Nicolas Delisle dans le rôle de Génon, Gabriel Jean dans le rôle de Carl Fidbar, Bruno dans le rôle de Maître Gérard, Laurent dans le rôle du Steward, et Christian Martin dans le rôle de Axe et à la narration. L'histoire et la majorité des personnages appartiennent à l'auteur et sont protégés par copyright. Cette version audio est diffusée sous contrat Creative Commons, Attribution, Non-Commercial, No Derivatives et est une production 2013 des éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'aveniraudio.canalblog.com. Merci de votre attention et à bientôt.